madame, à votre fille qui vous sourit. Souriez, l'amour ami des soleils dans sa vie. Elle et moi, un jour on s'est aimé, et voilà tout. Elle et moi, on n'est pas mariés, mais on s'en fout. Je ne suis pas semi à la terre dont vous seriez si fier. C'est vos parties très recherchées dont vous aviez rêvé. Moi je ne suis qu'un vagabond, je n'ai que des chansons. Mais votre fille m'a choisi pour faire chanter. Madame, à votre enfance émerveillée, regardez, on peut voir le bonheur dans ses grands yeux. C'est la vie, l'oiseau un beau matin vous a quitté. C'est la vie, l'amour ne chante bien qu'en liberté. Je ne suis pas semi-milliardaire dont vous seriez si fier. C'est vos parties très recherchées dont